t'en vas, mon garçon. Tu t'en vas, mon amour. Je sais que ce n'est pas pour toujours. Garde-le au soleil des vivants. Maman ? Moïse ? Moïse ? Moïse, c'est fou ! Oh, mais j'ai tous vos disques ! Enfin, je veux dire, vos commandements ! Enfin, maman, comment dire ? Merci. Grâce à toi, j'ai été sauvé par les Égyptiens. Et sans le savoir, ma si merveilleuse mère adoptive t'a choisi comme nourrice. Et tu as pu toujours être à mes côtés. Je suis devenu l'espoir et la délivrance de tout un peuple. Grâce à toi et notre sagesse. Mais les 10 commandements, tout ça, c'était un trucage pour le cinéma ? Non, Dolly. Les tables de la loi ont été gravées par Dieu pour que les hommes, s'ils le souhaitent, trouvent des valeurs et des repères. On n'y croit pas, peu importe. L'important est de croire en soi. Ne pas se trahir, ni trahir les autres. Aimer les autres, sans rien attendre en retour. Je t'aime tellement, Moïse. Mais le coup de la mer Rouge, c'est du flan, hein. Du quoi ? Il veut dire que ça lui semble insensé d'avoir séparé la mer en deux. J'ai effectivement séparé les eaux de la mer Rouge pour que mon peuple puisse définitivement semer l'armée de Pharaon. Les hommes, les femmes et les enfants ont vu ces deux montagnes d'eau se former. Et le chemin de la liberté s'est ouvert à nous. Et au fur et à mesure que nous avancions, la mer se refermait sur l'armée qui nous poursuivait. À ce moment, mon peuple était enfin libéré de l'esclavage des Égyptiens. Mais il nous a fallu marcher. Marcher des jours et des nuits pour atteindre la terre promise. C'est en chemin que Dieu me confia les tables de la loi. Les fameux 10 commandements.